l'histoire d'un homme qui a cru toute sa vie changer ce monde pour le rendre moins mauvais. Il pensait qu'à force tous ces autres, ça s'agirait, deviendrait tolérant, moins orgueilleux, mais rien. Tous ces efforts n'ont rien changé. Change une génération et celles qui viennent sont plus mauvaises encore. C'est un déroulement, l'éducation du commencement. C'est tous les jours le commencement du changement. Rien n'y fait, non rien. Le début de la vie, on nous dit. Il y a le bien, il y a le mal. Comme une barrière entre les deux, ou une rivière. Non, mais les années passent, et tout ce que l'on a, ce que l'on fait, serait-il si pénible de croire en une alternative autre que le jeu donné, comme si tous voulaient participer, l'école nationale. De la République comme celle de la dictature, ton âme déforme ton esprit pour être soumis. Tout pour les patrons, rien pour la patrie. Pour les patrons, rien pour la patrie. Tous se mélangent au regard de l'argent qui trouble la vision, qui dévie ton âme vers la prostitution. Faire violer tous, chaque jour, des grands slogans, des propagandes, dissimulés dans des écrans de publicité. Où est le but qu'on doit goûter? C'était donc ça, la pomme croquée, du sexe pour mineurs, quelle perversion dans ces pays qui se disent modernisés à la pointe. Le bien, dans sa voix t'es dans l'air.